double X on the track, bitch. Nous sommes faits d'argile, le partir en poussière. J'ai du mal à l'admettre, j'ai souvent mal et souvent je suis fier. C'est vrai, je t'ai haï, je t'ai aimé comme pas deux. J'ai du mal à sourire quand je pense à toi comme devant les batteux. Mon cœur me dit d'aller vers autre chose, qu'on doit faire une pause. Un loup solitaire qui doit niquer des mères, c'est devenu ma cause. Fils bosse à l'école et rend fier papa. Prends soin de ta sœur, toi toute ma part. Les armes ont remplacé les fleurs, l'échec a remplacé les peurs. J'ai le mort des aides, n'est pas une petite pétasse qui se prend pour un tueur. On te fait s'envoler, bébé, peur de l'atterrissage. Deux ailes pour elle, qu'on croit bien que je suis né pour faire que du sale. Gère la paix dans le monde, je gère la paix dans mon cœur. Je suis comme la valeur des montres, elle vaut toujours si t'en prends soin. Appelle-moi si besoin, la guerre c'est pour les fils d'up. Ne prie pas pour avoir le sentiment que t'existes. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits. Je compte pas dans mes récits, j'ai pleuré du sang. Demandez au ciel de venir me prendre ma bouteille d'Hennessy. Me demande pas si j'ai réussi, parce que ce soir j'ai ramené la plus belle. J'attends la lune, même quand je suis au Brésil, dans la piscine avec la vue mer. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits. Je compte pas dans mes récits, j'ai pleuré du sang. Demandez au ciel de venir me prendre ma bouteille d'Hennessy. Me demande pas si j'ai réussi, parce que ce soir j'ai ramené la plus belle. J'attends la lune, même quand je suis au Brésil, dans la piscine avec la vue mer. Je me suis assis devant le miroir, j'ai fait le vide. Ils pensent que j'ai vendu mon âme, j'ai pas besoin du diable. Quand j'étais pauvre, les seuls pour moi présents, c'est mes couilles et mon arme. Costa, Brava, Burrito, Connell, Bebel, Morito. Des vampires, faudrait penser à mettre de nouveaux rideaux. Hey, je vois nos vies se dégrader, la valeur de mon geste est bradée. Des fois t'as beau avoir les clés dans les mains, mais t'as pas de trésor à cacher. C'est personnel, faut que je remplisse le morceau de bijoux que j'ai mis sous mon aile. L'ami j'ai le seum, à la salle je fais les dorsaux. La veille j'ai niqué ma bouteille, j'ai traîné mes fesses. But dans le salon du coin, capuche et je pointe à la tête. Où connaît la tresse, je suis un homme pour de vrai. J'ai jamais redonné ma veste, ceux qui me connaissent le savent, je suis pas à mon coup d'essai. Mes gosses seront au top, faut bosser jusqu'au décès. Gère la paix dans le monde, je gère la paix dans mon cœur. Je suis comme la valeur des montres, elle vaut toujours si t'en prends soin. Appelle-moi si besoin, la guerre c'est pour les fils d'up. Ne prie pas pour avoir le sentiment que t'existes. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits. Je compte pas dans mes récits, j'ai pleuré du sang. Demandez au ciel de venir me prendre ma bouteille d'Hennessy. Me demande pas si j'ai réussi, parce que ce soir j'ai ramené la plus belle. J'attends la lune, même quand je suis au Brésil, dans la piscine avec la vue mer. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits. Je compte pas dans mes récits, j'ai pleuré du sang. Demandez au ciel de venir me prendre ma bouteille d'Hennessy. Me demande pas si j'ai réussi, parce que ce soir j'ai ramené la plus belle. J'attends la lune, même quand je suis au Brésil, dans la piscine avec la vue mer.